mot pour moi sur la croix. J'écris en ton nom, Seigneur Jésus. Au bas de ta croix, j'ai déposé ma vieille nantie. Tu as fait de moi Seigneur.